pas le temps passé. Pas de fait plein de rêves, de trafic coloré et de causes perdues que toi seul peux sauver. Pour les pollues, il y a un dragon tatoué. Tu montres à tout le monde que tu t'es rebellé. T'as pas su marier, c'est ça, il est liché. Bien réglé, tu cours pour les images et la réalité. Dans tes livres d'histoire, t'as pitché des romances, t'es posé des regards d'hommes qui tentaient la chance. Tu danses dans ta chambre sur des disques reggae, dans la fumée du chant, sur les basses saccadées. Sur ton mur, y'a écrit justice et liberté. Et puis dans ton cœur, tu chantes fraternité. citadelle, le martel sans appel, le 666e parallèle. Sentinelle dans la citadelle, le martel sans appel, le 666e parallèle. Je me plains tout le temps, quand j'ai le parallèle, avec que tous ces gens, quoi du décalage horaire, nous plus aussi distants. Il en reste sans appel, aux antipodes finalement.

mon père, y as-tu en français? À ma mère, à ma mère, y as-tu en français? L'accouchement de la douleur, la naissance de la terreur, l'homme est ce grand meurtrier, et la terre le grand guerrier. Et si l'homme rêve pour fuir la réalité, il meurt toi, c'est un policier. À mon père, qu'as-tu à gueuler? À ma mère,

tout ce qui m'avait plu. Que mon cœur insensier ne pardonnerait jamais de l'avoir tant blessé et nourri de regrets. Mais regarde-moi, moi je te souris, car la vie continue et je verrai qu'un autre nuit avant que tout ne soit perdu. Il faut parfois s'effacer pour pouvoir tout recommencer, et il faut parfois